Audiomatic. La formation Mind in a Box se chargeait d'ouvrir cette transmission 217 d'Audiomatic grâce à sa pièce Remember, tirée de l'album Revelations. Les électronistes vous remercient de tendre l'oreille à cette transmission 217 d'Audiomatique. Nous sommes toujours intéressés à vous lire pour peu importe la raison, donc vous pouvez bien sûr nous écrire à l'adresse audiomaticcfou@commercialgmail.com. La première séquence complète à Audiomatique s'amorce avec une pièce du groupe britannique Echo and the Bunnymen, interprétée par la formation française Nouvelle Vague. Six, seven times. You Thank you. Nous terminions ce bloc musical audiomatique avec le projet vancouverois Subtractive Lad, mené par Stephen Hummel, qui nous interprétait la pièce Summer in Your Mouth de son album Like at the End of the World. Précédemment, il s'agissait du groupe norvégien Flunk et la chanson Six Seven Times de leur deuxième album Morning Star. Et pour amorcer le tout, la formation française Nouvelle Vague nous offrait leur reprise de la chanson All My Colors du groupe anglais Echo and the Bunnymen. Le chanteur d'Echo and the Bunnymen, Ian McCulloch, participe d'ailleurs à cette version en compagnie de la chanteuse Mélanie Pain. Cette reprise se retrouve sur l'album 3 de Nouvelle Vague qui, comme les deux autres albums précédents, nous présente des versions de chansons New Wave et post-punk des années 70 et 80. La version originale de la chanson All My Colors d'Echo and the Bunnymen est parue sur l'album Heaven Up Here, lancé en 1981. La formation Dengue Dengue Dengue ouvre maintenant la porte de la prochaine séquence musicale. Thank you. incredibili o le realtà che non capirai mai. Sei solo libero sulle tue ombre e i tuoi sogni. Vuoi strappare la realtà della vita e sommergerla nella crema più profonda dell'anima che non potrai mai spacchiarti. Distruggi la tua pena con il sapore e delle tue amarezze. Il filo è il dolce e penetrante di dolcezza. A volte mi domando quanto tempo rimane quando non rimane più tempo dopo l'illusione di tutto il caso. È solo l'illusione che non potrai mai capire. Cette séquence musicale à Audiomatique se concluait sur une collaboration entre les artistes Phil Western et Tim Hill, collaboration qui se matérialise tout au long de l'album Dark Features, duquel est tirée la pièce que nous avons entendue, soit The Olden Days. Avant cela, c'était la formation Integral et la pièce Pop Realta, sur laquelle on peut entendre la prose de Mosè De Carlo. Cette pièce paraît sur l'album double de Integral qui s'intitule « The Past is My Shadow ». Et on amorçait la séquence avec la formation péruvienne Dengue, Dengue, Dengue et leur pièce « Ay Acucho » tirée de leur tout nouvel album intitulé « Semillero » paru en vinyle ou en numérique sur l'étiquette de disque « On the Corner ». Nous poursuivons à Audiomatique avec nul autre que LCD Sound System. Make it easy. Nous venons tout juste d'entendre à Audiomatic le groupe américain Tackhead et la chanson Change de leur troisième album Strange Things. Et en début de segment, nous vous avons présenté LCD Sound System et la pièce I Can Change de leur album This Is Happening. La transmission 217 d'Audiomatic se terminera sur la courte pièce Always Someone de la formation Cold Cave. Cette pièce paraît sur l'album Cremations, sorti en 2009. Les électronistes seront de retour en direct mercredi prochain dès 17h pour vous présenter cette fois la transmission 218 d'Audiomatique. La possibilité d'écouter nos anciennes émissions en balado-diffusion existe toujours par l'entremise de nos plateformes facebook.com/audiomatique-cfou et mixcloud.com/audiomatique. Voici donc Cold Cave et Always Someone. C'était Audiomatique avec les électronistes.